بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ Abu Hatim Saïd bin Da'as Al-Yafi'i rahmatullah alayhi. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, cours numéro 16. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد ماذا أخذنا أمس من أقسام الحديث فضل أخذنا المعضل أخذنا المعضل ما هو المعضل وهو إسقاط الرواة من اثنان فأكثر على التوالي على جهة التوالي نعم ما حكمه المعضل لماذا لأنه انقطع الإسناد نعم لأن الإسناد منقطع ومن شروط الصحة اتصال السند وهذا سهل ثم أخذنا ماذا؟ التدليس نعم التدليس ما هو؟ ما هو الحديث المدلس؟ أولا التدليس ينقسم إلى قسمين إما مدلس مدلس عن في الإسناد أو تدليس الإسناد تدليس الإسناد أو تدليس الشيوخ ما معنى تدليس الإسناد؟ تدليس الإسناد أن المدلس سمع يروي حديثا عن شيخه لكن ما سمع منه الأصل أنه سمع من حديث شيخه لكن هذا الحديث روى عنه نعم سمع منه أو لم يسمع لم يسمع أحسن لم يسمع منه وروى عنه بصيغة بصيغة الاحتمال يعني نعم عن إما عن إما عن إما قال نعم فماذا فهنا يعني بينه وشيخه وصائد لا شك أنه هذا الحديث لا بونتوندو عن شيخه لكن يرويه بصيغة عن كأنه يظن أنه سمعه من شيخه لهذا سيدي التدليس il fait croire une chose qu'il n'y a pas وهذا il est grave ما حكمه حكمه إن كان أن يعني يستعمل الفاظ المحتمل كعن وأن فهذا الأصل لا أخذ منه نعم أنه ضعيف إلا إذا صرح بالسماع هذا إذا ضعيف لكن إن كان يبين نعم الفاظ يعني سمعت أو أخبرني إلا أن يصرح بالسماع بيان سور كو سوا ثقة إكسيتيرا القسم الثاني تدليس الشيوخ وسمع من شيخه لكن حذف من سمعه ويستعمل لا يستعمل باسم لا ينعرف يذكر شيخه باسم او صفه او كنيه او نسب غير معروفه فما هو التدليس هنا تدليس مثلا كثرة الشيوخ مثلا يلبس الناس نعم يريد أن يظهر أن له شيوخ كثير فهذا il est moins grave que le premier كما تقدم لكن لا ينبغي si c'est السكنية لا ينبغي هذا الخلاصة في التدليس تمام si vous avez compris هذا pour l'instant إن شاء الله ce قسم demande du temps والعلماء توسعوا في الكلام عليه dans les autres كتب واليوم نأخذ الشاذ والمقلوب إن شاء الله تعالى قال رحمه الله تعالى وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان تلأ الشاذ والمقلوب الشاذ عرفه وما يخالف ثقة فيه الملأ on va voir qu'il y a التعريف il est pas complet والمقلوب إلا بعرف لأنه إلى السهل إلى واضح وبوه قلب في الإسناد وقلب في المتن وكذلك الشاذ قد يكون الشذوذ في المتن وقد يكون في الإسناد وقسم الشاذ إلى مهم de le connaître de le reconnaître de savoir c'est quoi الشاذ لأنه ça touche directement au حكم أي صحة الحديث تعلمون أو تذكرون أن من أقسام أو من شروط الصحة عدم أو سلامة الحديث من الشذوذ هذا الشرط انتفاء الشذوذ سمن شروط الصحة فسمهم جدا ساس من أهم ما يكون في المصطلح هذا القسم. كذلك pour comprendre comme il faut bien sûr étudier libre après libre. لكن نحن في هذا المختصر le but c'est de avoir un aperçu. Et نحن dans ce genre de مختصر نركز على التعريفات avec un مثال. أما الخلاف أحيانا il y a des exemples, أحيانا il y a des مسائل, أحيانا هذا ça viendra après bien sûr. فأنتم ركزوا على التعريف et t'as un aperçu du qism, tu comprends le mithal yakfik. Étape après étape, inshallah, vous comprendrez هذا أكثر. قال الشارح رحمه الله الشاذ لغة المنفرد عن الجمهور أي il contredit الجمهور. Les gens ils ont un قول, هو il est tout seul. Ça s'appelle الشاذ. Que ça soit un قول, que ça soit un fikr, que ça soit المهم, il est isolé. فلهذا العلماء souvent ils disent هذا القول il est الشاذ. أحيانا c'est une مسألة عامة أهل العلم, ils ont un قول avec un دليل bien sûr, المسألة est واضحة, et tu trouves واحد يخالف. Son قول il est الشاذ. Ça ne veut pas dire que celui qui a un قول et يخالف les autres, ça ne veut pas dire qu'il est à la باطل. لا. الشاذ المنفرد عن الجمهور ça c'est في اللغة, لكن dans مسائل الدين celui qui a le haq, ولو il est tout seul, c'est pas من الشذود المذموم. لا أبدا, بل il est à la haq, il est à la haq. المذموم في ديننا c'est celui qui خالف الحق, c'est celui qui خالف البراهين. قال الشاذ لغة المنفرد عن الجمهور قال وفي الاصطلاح عرفه الناظم أي البيقوني رحمه الله. الناظم أي صاحب النظم, celui qui écrit المنظومة أو المنظومة معروف la poésie. قال بتعريف الشافعي, on avait vu أنه شافعي المذهب رحمه الله. قال الذي نقله عنه الحاكم في المعرفة, on avait vu dans l'introduction qu'on avait fait sur علم المصطلح أن هذا الكتاب إلي مهم, كتاب المعرفة للحاكم, c'est un des أصول dans ce فن. قال عرفه الحاكم في المعرفة وابن الصلاح في المقدمة. قال فهو كما ترى رواية الثقة المخالف لما روى الثقات. Pour l'instant il a cité la première partie du tarif. راوي c'est un ثقة et خالف des autres ثقات. الآن tu arriveras à faire le lien entre التعريف اللغوي والاصطلاحي. Et il se retrouve seul et خالف les autres. On dira sa riwaya للشاذ. Et on verra des exemples. فالآن t'as un إسناد. هذا c'est un ثقة. Et خالف, dans la même طبقة, il y a des autres ثقة. مثلا, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Shu'ba, Malik. Tout cela. Lui, c'est un thika, mais il est khalif haoula. Une chaîne de transmission, t'as une autre avec Foulan, t'as une autre avec Foulan, t'as une autre. Ce hadith, il est rapporté par Foulan, Foulan, Foulan, c'est tous des thika. Lakin haoula, ils sont une jama'a. Ils ont rapporté le hadith avec un lafd précis. Houa, imma, il enlève, imma, la formulation, c'est pas la même, imma. Fahoum, al-an, ils vont dire Foulan. Son hadith il est chad. Limada, les anna fulan, fulan, fulan, fulan, ils ont rapporté le hadith, pas comme lui. Hada, ça c'est une sourah. On va voir que c'est pas forcément le nombre. Là, chaque le nombre, c'est une sourah parmi sourah, hada al-qism. Lakin kadalik, si il y en a qu'un. Lakin, ce wahid, surawi, il est ahfad. Et son hadith il est adbat que hada. On fera passer hada avant. Et on dira hada il est chad. Il a khalif hada. Et min bab awla c'est khalif une jama'a. Mafhoum. Et ça c'est ça son qawl. Dans le nad. Wa ma yukhalif thiqatun fihi l'mala. Al thiqa c'est hada. Al mala c'est haoula. Et le mala c'est al jama'a. Al mala c'est al jama'a, le groupe. Qala. Fahuwa kama tara. Riwayatu thiqa. المخالف لما روى الثقات. Donc pour l'instant Cheikh Saïd il te montre que ce thika il khalif al-mala, un groupe. Ça, c'est Ta'rif al-Bayquni. Lakin, il ne suffit pas. L'an awala aussi khalif qu'un. Et ce un, il est ahfad. Il est ahfad min. Et, yirahmakallah, on fera passer hadith à celui qui est ahfad. وهم المعبر عنهم في هذا النظم بالملا والملا لغة هم الجماعة نعم قال والمراد بالثقة هنا كل مقبول موثوق بروايته اساسا تنبيه مهم لان تعلمون ان العدالة عدالة الراوي او الرواة يدي دغري درجات واحد سا ثقة واحد سا امام il peut être en dessous de ثقة لكن son hadith il est مقبول فقوله الثقة في الحقيقة فيه نظر لماذا وما يخالف ثقة فيه الملأ ستكون خيانة الرواة درجات فقوله الثقة الحقيقة لو remplacé par un autre لفظ un autre terme حتى s'englobe le تعريف il est plus vaste c'est أحسن et c'est ce qu'il va faire Cheikh Saïd لكن est-ce que واحد Il peut nous citer Hada Faddan. Ce sera plus qu'Iqa, il aura un dard dans le dard. Là, il n'y a pas de dard. Un thika. Il a khalif faqat. Thika, thika. Nous, on veut un mot pour que le tarif soit plus vaste. Et je vous l'ai dit le mot. Tout ce que je vous ai expliqué, c'est Hada. Quand je vous ai dit Ar-Ruwad Darajat, tu peux trouver un thika, tu peux trouver au-dessus de lui un imam. Et si istilahat al-muhaddithin, l'imam il est plus haut en degré que al-thiqa. Tu dis matalan fulan, imamun hujja thabt thiqa. Comme il dit sur l'imam Malik, sur Sufyan, sur Shu'ba. Un autre il dit simplement thiqa. Al-an, si tu fais des degrés, hakada, matalan. Huna, t'auras imam, hujja thabt, etc. Ça, c'est le plus haut degré. Huna, mathalan, tu auras thika. On avait vu au départ même, ils peuvent dire thika, thika. Ils le disent deux fois. Tumma huna, tu auras thika. Huna, tu auras. Son hadith, il est maqboul. Pas confondre avec maqboul, les salahs de l'hafid fit taqrib. C'est autre chose. Indahu, c'est maqboul, ay yasluh lil shawahid mutaba'at fi dhaaf. Là, nahnu maqboul, ay lughatan. Son hadith, il est accepté. Al-an, t'as quatre darajas. Sah. Maqboul. Son hadith il a accepté. Thika. Son hadith bien sûr il a accepté. Thika, thika. Min babi awla. Imam, hujja, thab, thika, etc. Hada, c'est le haut niveau. Fil hifd wa dhabt. Hada, ce dhabt. Imam, hujja, thab. Tu le classerais dans Qismu al-sahih ou al-hasan? Al-sahih. Al-sahih. Hada, thika, thika. Ou thika, thab. Tu le classerais dans sahih ou al-hasan? Al-sahih. Thika, tu le classerais dans quoi? Sahih. Al-Sahih. Maqboul, tu le classerais dans quoi? Al-Hasan. Al-Hasan. Al-Hasan. On avait dit Al-Hasan, c'est celui, son hadith, bien sûr, c'est une personne de confiance, mais son dhabt, il est akhaf. Et huwa, la chèque, son khaf, il est, son dhabt, il est akhaf. Donc, il est pas, il atteint pas le niveau de haoula, mais son hadith, il est Hasan. Al-An, on revient en ta'rif, « وَمَا يُخَالِفْ ثِقَةٌ فِيهِ الْمَلَى » Si tu appliques à la lettre le nom de l'imam al-Bayquni, le shad, ça concernera quoi? Al-Sahih, ou al-Hasan, ou les deux? Al-Sahih. Al-Sahih, et il est là le taqsir. Il y en a son ta'rif, il englobe que ça. Et là, comment on fait? فَلِهَذَا الشيخ سَعِيدْ الْآن سَيَنْتَقِدْ Al-Mu'allif, ça intaqid son vers de poésie pour montrer un nashad, ça englobe hatta hada. Qal wal murad bi-thika. Huna, kullu maqboul mawthouq bi-riwayatih. Cheikh Saïd te montre un al-thika qu'il a cité al-Bayquni, fin haqiqa, ça englobe tout cela. Ne pas comprendre al-thika, le lafd, que c'est faqat celui qui atteint le niveau de sahih. Ça veut dire que shad, ça concerne pas al-hasan, la. Qal. كما نبه على ذلك المناوي في كتابه اليواقيت نقلا عن الكمال ابن أبي شريف قال إلا أن من العلماء من قال أن التعبير بالثقة فيه حصر للشاذ بمخالفة الثقة صحيح الحديث أن بعض العلماء يقولون si tu dis ثقة ça veut dire que le شاذ il va être restreint ici Aïe, pour celui que son hadith il est sahih. Amal Hassan, ça ne rentrera pas. Wahada fi shayminat taqsir. Et Allah alam, l'imam Bayquni, il n'a pas voulu hada. Il a voulu thiqa, ça englobe tout ce que leur hadith il a accepté, qu'il soit Hassan ou sahih, qu'il soit son dhabt, il soit qawi ou il soit akhaf. هو لكن التعبير هذا الانتقاد المهم pour ne pas comprendre هذا قال التعبير بالثقة فيه حصر للشاذ بمخالفة الثقة صحيح الحديث قال فخرج راوي الحسن كالصدوق هنا مقبول أو صدوق قال فالأولى أن يقال il va corriger أو il va préciser il va نبه عن كلام الإمام البيقوني قال يقال مخالفة المقبول ليشمل كل مقبول الرواية تمام on remplace الثقة par مقبول on remplace الثقة par مقبول حتى ça englobe chaque راوي son hadith il est مقبول il est accepté لكن يخالف من يخالف هو من هو أحفظ أولى من si c'est un صدوق Peut-être il va se faire khalif par hada. Si c'est un thika, peut-être il va se faire khalif par hada. Si c'est un thika, il est un peu plus au niveau, son niveau il est un peu plus élevé qu'un simple thika, si on pourrait dire. Il sera khalif par un grand imam, hujja, thabt, ila akhir. C'est ça, al-shad. L'essentiel, c'est que la mukhalafa, elle soit un rawi khalif un autre, qui est plus bas que lui dans le hifd wad-dhab. Donc, le fait de dire maqboul, c'est plus vaste. Hada, c'est un intiqad ilmi, tayyib. Qal wa huwa. رأي الحافظ المراد بالحافظ إذا أطلق ستجون دي ابن حجر قال وهو رأي خاصة dans ce genre de كتب المصطلح قال وهو رأي الحافظ حيث قال في تعريف الشاذ et ça te montre قوة الحافظ je voulais souvent répéter depuis le début ces ta'arif elles sont qawiyya jiddan c'est min ahsana ta'arif Allah, il a profité de tous les ta'arifs qui sont avant lui, et il les a étudiés, il les a analysés, et les manques, les défauts, il a rectifié. Rahmatullah alayhi. Fastafad min al-a'imma qabla, et il a rajouté. Khassatan avec l'ittila' qu'il a, avec l'ilm qu'il a, avec tawfiq qu'il a eu min Allah azza wa jal. Ça a donné des ta'arifs muhimma, et elles sont regroupées fi nuzhat al-nadar. C'est un kitab muhim jiddan, nuzhat al-nadar, sharha al-nukhba, c'est un kitab muhim fi al-mustalah. Qala الحافظ حيث قال في تعريف الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه تعريف مختصر أي لانجلب توسكم يندي ما رواه المقبول كسوا ثقة حافظ إمام صدوق لسانسيس حديث المقبول عند العلماء كسوا حسن أو صحيح سي خالف راوي كي بلو أو كلوي Dans Al-Hifd wa al-Dhabt, on dira son hadith, il est shad. Il a khalif fulam. Qal wa al-awlawiyya. Et ça, c'est muhim. Al-awlawiyya, c'est quand le hafiz il a dit, man huwa awla min. Tu dis fulam, il est awla min fulam. Aïe, il passe avant. Al-awlawiyya, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire qal imma ziyadat al-Dhabt. C'est ici. On va donner un exemple. Ce narrateur, c'est un fiqh. Il est... Khalif, ou un autre narrateur est la Khalif, et c'est un imam Thabt Hujja. Alors, si t'impliques, قول شير سعيد والأولوية, imma les ziyadat al-dhabt, c'est cet exemple. Hada. Imam Thabt Hujja. Fiqa. C'est lequel qui a le plus de hifd, lequel qui a le plus de dhabt? Al-imam, bien sûr. Donc, si il y a une mukhalafa, tu fais passer le qawl de Hada. Et celui-là, il est chad. Deuxième, قال أو كثرة عدد. C'est هنا. هنا, c'est un thika. Ou un صدوق. Ou un thika. Et il est خالف par un عدد كبير. Il est خالف par fulan. La chèque, أن parmi ces quatre, probablement un, il suffit. لأنه il est أحفظ من. Ma balouk s'ils sont deux. Ma balouk s'ils sont trois. Ma balouk s'ils sont quatre. Ma balouk s'ils sont cinq. أحيانا, المخالفة Ils sont 10. 10 et Khalif Wahed. Tu fais passer le qawl des 10. Fihada. Léanahum, c'est des Hufwat. Léanahum, ils sont plus. Fihada al-Hal, on dit 7 riwayas de Hada al-Munfarid al-Shad. Hada al-Awlawiyya, c'est muhim huna. Aïe, le fait de dire Fulan, il est Awla. Pourquoi? Imma, il a plus de huf, plus de dhabt, imma, ils sont plus nombreux. Une des deux. Qala wal awlawiyya, imma li ziyadat dhabt, ou katrati adad. Qala radi' an nukat, wal nuzah. Ça, c'est l'avis de Al-Hafid ibn Hajar, et c'est sahih. Et d'autres, bien sûr. Cheikh Saïd qala, qultu, أي شيخ سعيد رحمة الله عليه والتعبير بالمقبول هو الأولى خروجا من الاحتمال والاعتراض et ça c'est مهم تستفيد من هذا أيها الطالب أن ton كلام qui peut impliquer une mauvaise compréhension ou il peut impliquer une erreur ou une fitna تجنب et choisis un كلام واضح le fait de dire ثقة si واحد il vient apprendre à la lettre il peut اعترض عليك Si tu lui expliques Ash-Shahad, Mukhalafat al-Thiqa, l'Iman Hua Aulamin. Ça veut dire, il te dit, ça veut dire que s'il n'a pas atteint ce niveau, maintenant il est en dessous de sa dos, il ne rentre pas dans le tarif. Donc tu vas être obligé de te justifier. C'est-à-dire là, en fait, Thiqa, j'ai voulu dire, dis le mot directement et t'astabih. Ça c'est muhim. C'est pas que dans ce genre de tarif, c'est muhim dans ta vie de tous les jours. Hatta vi umur al-dunya. Ahyanan, t'as un mot, il est clair, wadih. T'as un autre mot, il peut impliquer hada. Ce mot, il peut impliquer telle chose et telle chose. Si tu le dis, il va dire, mais t'as voulu, mais, ou t'as ta'ab. C'est des choses wadihah. Et si tu lis la biographie des salafs, tu verras que c'était des personnes qui parlaient très peu avec un kalam wadih. Kalam al-Rasul, alayhi sallallahu alayhi min babi awla. Al-Qur'an al-Karim, kalamullah. Des mots simples, précis, des phrases qui sont résumées, et fawa'id kathira, jiddan. Kalam al-Khalaf, c'est le contraire. Par rapport à Kalam al-Salaf. C'est le contraire. Kalam Tawil, ça implique beaucoup de... Ahyanan, ça implique du batil. Ahyanan, c'est des choses, ça mettra des doutes. Kalam Kathir, il n'y a pas beaucoup de fawa'id. Et c'est une perte de temps et ça ouvre beaucoup de fitan. Fait ta'arif, les définitions, que ce soit dans il-mustalah, ou l'usul, ou l'nahu, ou l'aqida, un ta'arif, il doit être simple, résumé, et il doit englober beaucoup de choses. C'est ça un ta'arif. Mais un ta'arif d'une page... Et il y a 50 intiqadat dessus, c'est pas du ilm, c'est un ta'ab faqat. Et c'est ça, ilm al-kalam. Ce qu'ils appellent ilm al-kalam, c'est ça. Des pages, des mujallad, il n'y a aucune faïda. Ahyanan, ça implique du kufr wadih, comme on a vu dans l'aqidah. Qultu, on répète, kalam Cheikh Saïd, wa ta'biru bil maqboul huwa al-awla khurujan min al-ihtimal wa al-i'tirad. Al-ihtimal, tu peux comprendre telle chose. Ihtamil. قال والاعتراض الاعتراض أي واحد يعترضك يتدلى son كلام il est pas صواب ويعترضك pour sortir de ça les doutes والاعتراض choisis le mot مقبول c'est أضبط c'est plus précis قال فالأولى أن يقال فيه الشيخ سعيد رحمة الله عليه الآن après avoir corrigé le معنى الآن il va corriger البيت الشعري lui-même il va citer un بيت qui ressemble à celui de البيقوني لكن avec le mot مقبول قال رحمة الله عليه وفالأولى أن يقال فيه ما خالف المقبول فيه الملأ الآن si tu viens corriger le bait ça donnera ما خالف فيه المقبول الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان تلأ حتى الوزن للطيب الشيخ سعيد رحمة الله عليه il était قوي في الشعر et il aimait الشعر فلهذا souvent quand on était à Dommaj il lisait des poésies il en a écrit plutôt Il en a expliqué, il en a corrigé, rahmatullah alayhi. قال وفي قول الناظم للملأ حصر للشاذ فيما إذا خالف المقبول من هو أولى لكثرة العدد وفي هذا قصور لماذا؟ قول الناظم وما يخالف ثقة فيه الملأ ثقة on a vu c'est منتقد أو le mieux c'est de dire مقبول تقدم on a compris. قوله فيه الملأ قال فيه قصور لماذا هو الآن إدي رحمة الله عليه مخالفة واحد للملأ واحد إلي هنا الملأ ce groupe celui là pour عرف الشذوذ فيه قصور c'est pas complet لماذا لأنه يبقى من هو أحفظ منه يبقى هذه الصورة lui le تعريف الآن c'est هذا فقط Et nous, on a vu qu'il y a une deuxième sourate, elle est là. فقوله يخالف ثقة فيه الملأ c'est هذه. Ce ثقة يخالف cela. طيب, ça c'est la première. Elle est où la deuxième? هذه. أي un ثقة يخالف من هو أولى منه ولو سيل تسل. Il y a une مخالفة, t'es obligé de رجح. celui-là, il passera avant. لأنه il est أحفظ. Et son hadith, son niveau, il est plus haut. Enfin, on prend son قول. هذا. نقرأ كلام شيخ سعيد يبنبع عن هذا. وفي قول الناظم للملأ حصر للشاذ فيما إذا خالف المقبول من هو أولى لكثرة العدد. قال وفي هذا قصور. لماذا؟ قال بل قد يكون الشاذ مخالفة الأولى لمزيد الضبط وإن كان واحدا. ست سورة ولو سيلة سل. سيلة son ضبط إلى أقوى. Son حفظ إلى أرفع. Tu fais passer هذا avant هذا. فلو نمبر c'est معتبر. Et كذلك القوة في الضبط والحفظ elle est معتبرة. Donc tu as deux sourates في الشاذ. Al-Imam al-Bayquni n'en a cité qu'une, rahmatullah alayhi. Amthila, pour comprendre. Naqra min sharh Cheikh Hussein, il est ashal. Qala, al-shad al-munfarid an al-jumhur, ay lughatan, taqaddam. Qala, wa istilahan taqaddam annahu yanqasim ila qismayn. Et ça, c'est, il l'a pas cité Cheikh Saïd. La'allahu, il voulait laisser pour les prochains livres. Et ce qism, il est muhim, fil haqiqa, on le cite. أن الشذود ينقسم إلى قسمين أي شذود في الإسناد وشذود في المتن. Il va citer un exemple pour chaque. قال فمثاله في الإسناد ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة. أين التقريب؟ سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي son père c'est ميمون أو son grand-père الهلالي أبو محمد تكونيا الكوفي ثم المكي ثم إلى بيتا مكة أما أصله هو من الكوفة من العراق. اسمع الآن pour te montrer son niveau et pour que tu comprennes l'exemple. قال الحافظ ثقة حافظ فقيه إمام حجة. هذا سان أو نيفو الآن في سان أو نيفو في التوثيق والتعديل. ثقة حافظ فقيه إمام حجة. Ça c'est Sofiane ibn Uyayna. Tu veux un niveau encore plus haut? Tarjamat Sofiane al-Thawri. Qala Sofiane ibn Sa'id al-Thawri, Abu Abdillah. Al-Kufi. Thiqatun, hafidun, faqihun, abidun, imamun, hujja. Ça c'est le haut niveau. Amir al-Mu'minin, fil hadith, rahmatullah alayhi. Et sa tabaqa les plus élevée. Sofiane al-Thawri, c'est tabaqat mashayikh Sofiane ibn Uyayna. Il est un cran dessus, fil tabaqa. Donc que ce soit fil ilm ou al-hifz, أو dans le temps il est un peu avant lui et les deux c'est aim. قال من طريق ابن عيينة أبو محمد صوفيا رحمة الله عليه عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار c'est un des grands mashayikh de Soufiane. Souvent tu trouves Soufiane عن عمرو automatiquement c'est ابن عيينة. قال عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي on est في الشذود في الإسناد. On n'est pas filmé. قال أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه. الحديث. قال فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو مرسلا. الآن إدي فإن حماد روى عن عمرو. سفيان إلى غبطة عن من؟ عن عمرو. الآن سفيان يبغى قول حماد يبغى قول. الآن تقول لي درجة. سفيان اللي غبط عمر عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله. حماد اللي غبط مرسلا. فإن حماد ابن زيد رواه عن عمر مرسلا بدون ذكر ابن عباس. directement عوسجة يسيت أن أنهم على époque du prophète صلى الله عليه وسلم il est mort etc. مرسل لأن عوسجة il était pas à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. Contrairement à Ibn Abbas. الآن يا خلاف entre Hamad ibn Zayd et Sofiane ibn Uyayna. Hamad ibn Zayd c'est من أئمة السنة. On va lire sa tarjama. Hamad ibn Zayd, Hamad ibn Salama et Hamad ibn Usama. Les trois grands imams, ils ont le prénom Hamad. Hamad ibn Zayd, Abu Ismail. Hamad ibn Salama, elle est simple, Abu Salama. Et Hamad ibn Usama, Abu Usama. Hamad ibn Zayd. قال أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه رحمة الله عليه لا أنيبو لكن النيبو دو سفيان إلى أرفع لأن سفيان إمام يا حجة فصو نيبو إلى أرفع ثقة ثبت فقيه. حماد بن سلمة ونادي أبو سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت كذلك صعب بغير dans les autres livres ربما واحد il est moins élevé au niveau du حفظ لكن في فلان سأثبت الناس tu feras passer son قول que dans فلان مثل حماد بن سلامة avec ثابت البناني سمين سأثبت الناس فيه et le troisième أبو أسامة كذلك سأ إمام ثقة ثبت donc trois حماد بن أسامة Abu Usama, Ibn Salama, il est connu Hamad Ibn Salama, Abu Salama, et Hamad Ibn Zayd, Abu Ismail. Hamad Ibn Zayd, et Sofiane, il est un cran au-dessus de l'Hifd wa al-Dhabt. Al-An, il y a un mukhalaf entre les deux c'est des thiqa. Qala, rahmatullah alayhi, ou hafidahullah, dans son charh, Cheikh Hussein, qala, fa inna Hamad Ibn Zayd, rawahu an Amr, ay Ibn Dinar, mursalan, bidoun dhikr Ibn Abbas. قال ولكن قد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره أصلا من سفيان يسوغي توسل إلى أن كران أو دسو ما بالك avec سفيان ابن عيينة ceux qui ont rapporté le hadith avec ذكر ابن عباس أي لبا مرسل إلى متصل ابن جريج وغيره قال ولهذا قال أبو حاتم المحفوظ الآن تدو أحاديث يعني خلاف أن دو إلى صواب إما إلى مرسل إما إلى متصل قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة قال هذا مع كون حماد من أهل العدالة والضبط نعم مع حماد سيان ثقة فقيه لكن إلى خالف سفيان بن عيينة إدي الزطر فهو في باسي الحديث سفيان بن عيينة إدي الزطر قال ولكن رجح رواية من هم أكثر عددا منه فسي أن إكزامب إن سورة كنا سيتي مثال في المتن Un autre métal, filmet. L'anna al-shudud, il peut être filmet, n'kadhalik. Qala ziyadat yawm arafa fil hadith. On cite le hadith, ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa shurb. Dans un hadith, ou dans une riwaya, ils ont rajouté ayyamu tashriq wa arafa. Arafa, le seul offre de l'échad. Qala fa inna al-hadith min jami' turuq bidouniha. وإنما جاء بها موسى tous les narrateurs ont cité le hadith أيام التشريق أيام أكل وشرب موسى ابن علي ابن رباح عن أبيه ils ont rapporté le hadith عن عقبة أو عن عقبة ابن عامر فهي شاذة ils ont rapporté ce hadith عن عقبة et c'est شاذ موسى ابن علي ابن رباح on regarde sa tarjama موسى ابن علي ابن رباح أبو عبد الرحمن المصري صدوق صدوق ربما أخطأ ce niveau la chèque qui va se faire khalif par des thiqa إما comme lui لأنه c'est le t'es dans le plus bas niveau de l'adal الآن لأنه صدوق يخطئ donc son hadith il est chaz عن أبيه نعم il aurait cité ceux qui l'ont khalif تمام حتى on aurait fait la comparaison لكن هذا tu le trouves très simplement dans les autres livres il a cité la référence فتح المغيث فهذا il est chaz Il est chad. As-sahih, c'est que le hadith ma fihi ayyam arafa, ma fihi arafa. Bel arafa, pour celui qui n'est pas fait le hajj, il doit faire le siyam. Il doit, c'est recommandé, c'est ahsan. Donc, c'est, il est, le matn, il est chad. Et Cheikh Mokbil, il a beaucoup d'exemples. Hada ma yata'allak bil chad. Baqi, qalil, nakmil al-maqloub. Qala, rahmatullah alayh. Al-thani. Il va citer al-thani. والمقلوب لغة وهذا الاسم المقلوب فكم خوني لغة قال من القلب وهو تبديل الشيء بآخر أي تنفخص قال وأما في الاصطلاح فهو كما قال الماضي قسمان تلا ثم ذكرها لدو قسم قال إبدال راو ما براو قسم إما التبديل أي للشانجمون انفخصمون ان راوي avec un autre ça sera في الإسناد قال وقلب إسناد لمتن قسم كذلك في المتن تبغاك يا ان قلب قد يحصل في الاسناد وان قلب قد يحصل في المتن avec les exemples ça va être واضح قال في الاول ان يكون الحديث مشهورا براوي كسالم ثم يبدل براوي اخر في طبقته ليصير بذلك غريبا كنافع ce تبديل ce changement il peut être اما بعمد exprès ça c'est grave ça c'est من باب الوضع et c'est du كذب il remplace un راوي ضعيف par un راوي qui n'est pas vaï, ça c'est grave. Emma, c'est pas bien, c'est une erreur, involontairement. قال ومن كان يصنع ذلك من الكذابين. à ceux qui le font bi'amd. Qala Hammad ibn Amr an-Nasibi. Ça c'est une faïda. Nous on a trois Hammad qu'on a vu au début du dars, ou quand on a parlé du Shad, Hammad ibn Salama, Hammad ibn Usama, Hammad ibn Zayd, ces trois imams des fiqhs. T'as un Hammad, c'est un kadhab, ibn Amr an-Nasibi. Qala raji' al-muqaddima ila akhir. Qala wa thani tarkibu isnadi أو إسناد متن على متن آخر والعكس كما صنع محدث بغداد صعيب هذا ce قلب il est بعمد لكن c'est fait pour évaluer pour tester une personne comme ils ont fait avec l'imam al-Bukhari ils ont cité plein de متن des متون et ils ont inversé les isnad le isnad du premier hadith ils l'ont mis dans le deuxième ils l'ont mis dans le septième dans le cinquième ils ont tout inversé ils ont cité les hadiths al-Bukhari Rahmatullah Ali, il a remis chaque isnad avec chaque mat. Quwat hifdi. Quwat hifdi. C'est une aya min ayatillah fi hada al-bab al-imam al-Bukhari. Kama sana'a muhaddithu Baghdad. Thalik ma'a al-Bukhari fi mi'at hadith. Dans 100 hadith, ils ont fait ça. Ma balouk. 100 hadith, c'est pas il lui demande les isnad. Les isnad, il les connaît. Là, ils inversent. Chaque hadith, ils inversent. Et il lui demande, il lui cite le hadith, le isnad, il dit là. Là, ce isnad, c'est pas sa place. Ce isnad, c'est le hadith. Et il leur cite, il remet les 100 hadiths. Chaque hadith a sa place. Maintenant, avec isnad. Rahmatullah alayhi. Qala al-hafid fi al-nukat, wa qad yaqa' dhalik amdan li qasd al-ighrab. Avec ce qasd, ou avec le qasd qu'ils ont cité l'an pour éprouver, pour tester, ou bi ghayri amd. Et en général, l'ulama, il te cite hada. Hada al-hadith, il est maqloub. Il y a des kutub qui ont été écrits via hada. وقال في النزهة أي الحافظ فهو من أقسام الوضع si c'est fait volontairement نعم. ثم قال وقد يقع عمدا لقصد الامتحان ce qui s'est passé avec l'imam al-Bukhari والاختبار للحفظ كما وقع للبخاري قال وشرطه أن ينتهي بانتهاء الحاجة شرطه أي si c'est fait pour éprouver pour tester c'est que quand il n'y a plus de حاجة on ne le fait pas ils ont voulu le faire avec l'imam al-Bukhari لأنه il est venu à Baghdad Et ils ont voulu voir si vraiment son niveau il était comme c'est répandu et ils ont vu annahu c'est un imam rahmatullah alayh قال وشرط ان ينتهي بانتهاء الحاجه ثم قال وقد يقع وهما نعم ça peut arriver من باب الوهم واحد se trompe on lui cite un rapporteur il cite un autre هذا ça arrive قال فهو من المقلوب والمعلل المعلل on verra قال هذا هو القلب في الاسناد وقد يقع في المتن donc قلب في الاسناد c'est qu'il y a un inversement au lieu de citer tel narrateur il cite un autre اما c'est intentionnellement et هذا c'est grave c'est très grave même c'est من باب الوضع والكذب اما c'est intentionnellement لكن c'est pour tester comme ils ont fait avec l'imam Bukhari فهذا quand il n'y a plus de haja on ne le fait pas اما c'est une erreur وهذا l'erreur en général l'ulama il te montre il a cité فلان en fait c'était فلان انتهى Ça c'est fil isnad. قال وقد يقع في المتن كما في حديث أبي هريرة عند مسلم رضي الله عنه. قال ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. أين القلب؟ سوق حصل يا أنا فيخسمو. الأسف تنفق باليمين. نعم. أما هنا c'est اليمين qui sait pas ce que الشمال a donné. Donc tu comprends le hadith qu'il a donné avec la main gauche. La haqiqa c'est l'inverse. Il va citer قال هو مقلوب لأنه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. نعم. C'est la gauche qui sait pas ce que la main droite a donné. لأنه السنة c'est de donner avec la main droite. Mais le premier c'est l'inverse. Et la haqiqa ce genre de d'inversement c'est pas غريب. لأنه même toi حيانا tu répètes ce hadith T'as du mal à le citer Obama au départ. S'il n'est pas bien mahfoud, t'as du mal à le citer avec ce tertib. Hatta la ta'lam shimalo ma tanfuq yamino. Pardon, il peut l'inverser. La ta'lam yamino ma tanfuq shimalo. Hada yahsul. قال وخلاصته كما ترى في المثال أنه يقع بتقديم وتأخير في المتن والله أعلم. Et بعضهم, vous verrez dans les prochains livres, Obama, ils diront c'est pas min al-maqloub. Ils diront, c'est minal, rubama, l'autre, riwaya, le daïfa, l'autre. Al-amr, sahal. L'essentiel, tu comprends l'exemple. Donc, maqloub, c'est qu'il y a un inversement. Est-ce que, Cheikh Hussein, il a cité des exemples pour détailler akthar? Qala, ash-shad, on l'a lu, al-maqloub. Qala, maqloub, l'isnad. Wa huwa nou'an. قلب اسم الراوي كأن يكون الراوي اسمه كعب بن مرة فيقول مرة ابن كعب تمام استكزام سأوضح الآن يا أنا فخسمه لراوي سابل كعب بن مرة واحد يدي مرة ابن كعب il inverse le nom du père avec le nom du fils. Le père c'est Ka'b, le fils c'est Murra. Il inverse. Murra c'est le père et Ka'b c'est le fils. هذا صحيح. قال ومنه يكون الحديث مثلا عن الزهري عن سالم فيقول عن سالم عن الزهري. Il inverse. C'est qui le cheikh? في الأصل c'est qui le cheikh? الزهري. لا. الزهري عن سالم c'est qui le cheikh? سالم. سالم ابن عبد الله ابن عمر. Un grand imam, le fils de Abdullah ibn Omar, son grand-père c'est Omar. Zuhri prend de lui, de Salim. Wahid l'inverse, Salim ani Zuhri. Le cheikh ça devient Zuhri, c'est un khata. Qal, thaniyan, ka an yakoun al hadith mashhouran min tariq ba'd al ruwa, fa ya'midu ba'd al kathabin ou al wadda'in fa yaj'aluhu an rajulin akhar. L'exemple qu'il a cité, cheikh Saïd, ay al kathabin. Le hadith il est ma'rouf, un isnad, un kathab, il change. Il sait que les isnad est daïf, il change pour faire croire qu'il est sahih. قال مثاله إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. الحديث راه مسلم اللي معروف. قال من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة. إسناد اللي معروف سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة. قال فقلبه حماد النصيبي الكذاب كلاس فيتي شيخ سعيد. قال وهو كذاب. قال فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة إلى شانجيل من الأعمش مقلوب المتن دوكا قال البخومي يكون بإبدال لفظ بآخر مثل حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حديث المعروف قال وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخذها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه l'exemple qu'il a donné sur Saïd ils ont inversé بعضهم لا تعلم يمينه ما تنفق شماله cet exemple on l'a vu قلب au lieu de dire que c'est la main droite la main gauche qui sait pas ce que la main droite elle donne ils ont inversé بعضهم la main droite elle sait pas ce que la main gauche elle donne هذا حقيقة ça fait pas de mal au hadith معروف que c'est un قلب tu reviens كلام المحدثين il te montre que صواب c'est كذا le hadith il est معروف il est صحيح مسلم et صحيح مسلم c'est la bonne riwaya qui a قال الثاني يكون بإبدال سند حديث لمتن حديث آخر والعكس وقد يكون سهوا وقد يكون عمدا للامتحان كما فعل أهل بغداد مع البخاري donc ça peut être intentionnellement Et ça peut être le qasd كذلك l'imtihan pour tester l'histoire de Bukhari de Ma'oufa. Est-ce qu'elle est sahiha? On avait vu nous, dans certains kutub et dans certains durus, on avait vu en ba'dahum ils disent qu'elle est sahiha, ba'dahum la. Wa qad ikhtulifa fi sihhat hadhihi al-qissa wa ar-rajih annaha sahiha kama rajjaha dhalika as-Sakhawi wal-Mizzi. Qala as-Sakhawi wal-Mizzi wal-Albani. Amma shaykhuna Muqbil كان يرى تضعيفها رحم الله الجميع فيا خلاف والذي يظهر سكلمة مشهورة على مشهورة عند الأئمة خاصة مثل هؤلاء المزي والسخاوي والشيخ الألباني إن لم صحح فلا بأس الشيخ مقبل يرى تضعيفها فسأدمون une étude de cette قصة لأسانيد والفيان pour رجح لكن celui qui l'utilise en exemple لا بأس قال من أسباب القلب رغبة الراوي في الإغراب عن الناس حتى يظن أنه يروي ما ليس عند غيره. سستقصد كلا بدني شيخ سعيد. الإغراب. ça vient de غريب حتى يكل ويك cette رواية. قال فيقبل على التحمل عنه وهذا يسميه المحدثون سارقا. نعم هذا لا يجوز. il inverse حتى cette رواية personne là. لكن لا يجوز. c'est du dit. قال ثانيا خطأ الراوي وغلطه. ça صحيح. خطأ. Il se trompe, au lieu de citer comme la version sahiha, il se trompe. Matalan, la main gauche et la main droite, l'exemple. هذا معروف. Troisième, imtihan, بعد المحدثين. La qissa avec l'imam Bukhari. Ça, c'est une cause كذلك. Aïe, l'imtihan, testé. Al-hukm, ma hukm al-qalb. قال Cheikh Hussein, la yajouz, ta'amud al-qalb. Si c'est une erreur, c'est une erreur. معروف. Hukm de l'erreur. Rabbana la tuakhidna inna sina akhta'na. Si c'est bi'amd, la yajouz. قال إلا إذا كان الامتحان مع تبين المقلوب في نفس المجلس نعم صف سمباب الامتحان comme c'est avec l'imam Bukhari, et dans le même majlis, il montre c'est quoi le sahih. Il ne laisse pas les hadith maqlouba. Là, à la fin, il montre sahih, tout le monde a compris, tamam. قال فقد حصل هذا لجماعة من المحدثين منهم البخاري والمزي وأبو نعيم. نعم فسي با arrivé كالبخاري سي arrivé كذلك à d'autres imams. كيف يعرف القلب؟ Comment tu sais que c'est مقلوب؟ قال يعرف بأمور منها ورود رواية أخرى تبين الرواية المقلوبة. Une autre chaîne de transmission. Maintenant, la première chaîne de transmission, la main gauche, elle ne sait pas ce que la main droite elle a donné, ou l'inverse. La main droite, elle ne sait pas ce que la main gauche elle a donné. Tu as une deuxième riwaya, c'est l'inverse. Et tu verras que c'est sahih, al-sunnah, c'est de donner de la main droite. قال نص عالم من الحفاظ على القلب. Toujours les deux mêmes cas, vous avez remarqué, pour reconnaître al-dha'l. Soit jam'u al-turuq, tu apprendras beaucoup de choses, soit nas, un hafid, un imam. استفاد هذا من شرح الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه. نكتفي بهذا عفوا ونطول قليل لكن إن شاء الله استفدنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. غفزي بغدما وأسأل الله التوفيق للجميع.